A 997, je me rappelle mes premiers lyrics, mes premiers textes. À ce temps-là, je m'appelais pas encore SX. Avec un pote, on se rendait fou avec un vieux poste. À sampler des boucles sur lesquelles on pouvait toast. Première maquette en taux cède, faite à l'arrache. Des morceaux t'as fait vite fait, y'en avait en tout 7. Ensuite, j'ai rappé seul tout. J'ai acquis une table, un synthé, une boîte à rythme, j'étais enchanté. Je m'inspirais du rap français, j'écoutais tout et nap. Écrivais déjà tout ce qui est plus français. Au fond, c'était mes débuts, mes premiers pas. Je faisais du rap et ça plaisait pas à mes renfois. 99, j'intègre SM3. À l'époque, y'avait Lokao et Kaiser IK. J'avais pas fait tout l'été pour acheter un putain de synthé. Les démos s'enchaînaient en moi, le démon se déchaînait. Premier pas, ça reste gravé dans la mémoire à jamais. Le genre de truc qu'on n'oublie pas. Premier pas, 6 années déjà, si ça m'était pas arrivé, je serais sûrement pas là. Premier pas, big up à mon crew, ODS Lab et mon clan SM3. Premier pas, apprenez le sens d'une passion comme une autre, ouais, perso c'est le son. Premier morceau avec des gros souffles, je croquais le RAP avec des gros ouf. Les écouteurs toujours sur les oreilles, écriture, compo, j'avais jamais sommeil. Ok, je suis parti en couille, je me suis barré de 3SM, je renie pas mon CEPA puisque je le sème. Un max vénère, c'était la suite avec Sackness. JB par balle au platine, c'est comme Sackness. Des connexions, rappelle-toi de vitesse. On était loin de penser qu'on serait vraiment dans le business. Deuxième partage en vrille. Ah ouais, je voulais du bon, je voulais être fier de faire partie d'ADR. Avocat de la rue, on a fait pas mal de concerts. Mais je suis pas de la race de Kai, je vais entendre les concerts. Du coup, je suis resté en solo parce que j'étais un pape tout qui faisait du son de merde et qui était contre tout. Premier pas, ça reste gravé dans la mémoire à jamais. Le genre de truc qu'on n'oublie pas. Premier pas, 6 années déjà, si ça m'était pas arrivé, je serais sûrement pas là. Premier pas, big up à mon crew, ODS Lab et mon clan SM3. Premier pas, apprenez le sens d'une passion comme une autre, ouais, perso c'est le son. Nouveau morceau avec peu de souffle, je croquais le RAP avec des gros ouf. Les écouteurs toujours sur les oreilles, écriture compo, j'avais jamais sommeil. Fruity Loops, moi et mes gars on connaît. Les bugs d'Acid Sky, ça me fait toujours déconner. Moi et mon PC, on a passé du temps dans l'histoire pour sortir un Scud Net. Souviens-toi du purgatoire, j'ai rencontré Angel Face. Grâce à SM3, il a cru en moi, on a signé un contrat. Nature de l'erreur, premier album dans les bacs. En attendant les autres pour enchaîner les claques. ODS Lab, j'oublie pas Wallstar, j'oublie pas Métisso et mon clan de départ. SM3, lequel j'ai réintégré. Faut tout déchirer les gars, ouais c'est dans notre intérêt. Ça reste gravé dans la mémoire à jamais, le genre de truc qu'on n'oublie pas. Premier pas, 6 années déjà, si ça m'était pas arrivé, je serais sûrement pas là. Premier pas, big up à mon crew, ODS Lab et mon clan SM3. Premier pas, apprenez le sens d'une passion comme une autre, ouais, perso c'est le son. Des putains de morceaux sans aucun souffle, je crois que le RAP avait des gros ouf. Les écouteurs toujours sur les oreilles, écriture compo, j'ai jamais sommeil, hein. SM3, ça reste grave et dans la mémoire à jamais, le genre de truc qu'on n'oublie pas. SX, 6 années déjà, si ça m'était pas arrivé, je serais sûrement pas là. ODS Lab, et mon clan SM3. RAP, apprenez le sens d'une façon comme une autre, ouais, perso c'est le son.